Mort chrétienne, de poème par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Mort chrétienne, qu'il te soit fait hommage et gloire, ô mort chrétienne, parmi les biens du temps, seule réalité, seul pain spirituel, dont le cœur entretienne, sur la terre, son fixe orgueil d'éternité. Qu'il te soit fait hommage et gloire, ô mort austère, à toute heure qui vient et passe, à tout moment, toi, dont l'autel d'ébène, appuyé sur la terre, mêle sa flamme à la pâleur du firmament. Qu'il te soit fait hommage à travers les années, grave ensevelisseuse, ô mort, ô noir amour, qui dans tes maigres mains détient les destinées, et qui remplit de ciel les yeux défunts au jour. Qu'on te louange, ô mort pieuse et baptisée, mort qui porte en toi la tristesse des soirs, mort sereine, gerbant au fond de la pensée, dans les vallons du cœur, la moisson des lys noirs. Mort des moines, mort des martyrs et mort des vierges, hosanna, traversant d'un vol les cieux hautains, ô mort, sainte de feu, de prière et de cierge, ô mort qui fait la vie, ô mort qui fait les saints. Le juste ne craint pas ta fidélité sombre. Il regarde au-delà des horizons flottants. Que sont les ans? Une ombre errant après une ombre, dans le brouillard trompeur de l'espace et du temps. Fin de Mort chrétienne.